On va parler de hockey, on va parler avec notre ami Gilles Bouchard de Normandin, qui est l'ancien instructeur des Huskies de Rouyn-Noranda. On sait que Gilles Bouchard fait partie de l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Donc, comment il a vécu cette Coupe Stanley-là? On lui parle. Salut Gilles! Hey, salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Gilles, comment tu as vécu ça, cette Coupe-là? Ben, effectivement, c'était spécial les séries cette année, là. Écoute, la situation était différente. Ah ouais. On était dans une bulle comme ça, à Toronto, Edmonton. Fait que ça demandait beaucoup de caractère puis d'implication de tout le monde là-dedans, des joueurs. Fait que sauf que, écoute, c'est Tampa Bay, ils ont fait le chemin là-dedans. Je pense qu'ils ont démontré beaucoup de caractère là, tout au long là, des séries. Si je pense juste au premier match contre Columbus là qui s'est fini en cinquième overtime, fait que ça a été le fun des suites. Puis écoute, tu sais, quand t'es chez vous, tu regardes la télé, puis tu vois que tu connais les joueurs, t'as travaillé avec eux autres, il y en a certains que t'as travaillé avec eux autres, fait que c'est le fun d'avoir gagné ton organisation comme ça, puis c'est une belle fierté, puis écoute, on est content pour tout le monde, puis on peut rien demander de mieux, là. C'est sûr que la bulle a changé bien des affaires, hein, parce que moi, j'ai, écoute, l'année passée, quand les Raptors ont remporté, je te le dis en dehors des ondes, ont remporté le trophée Larry O'Brien, je collaborais avec Charles Dubé-Bray, qui est comme toi, là, qui est adjoint entraîneur chez les Raptors de Toronto, 905, la filiale des Raptors, Puis lui, il travaillait avec les Raptors. Il était dans l'entourage de l'équipe. La bulle a changé bien des affaires aussi. Probablement que si tu n'aurais pas été dans une bulle, tu aurais peut-être été même appelé à travailler. Ben, c'est certain que je pense qu'on l'aurait vécu plus proche, ça, c'est sûr, ouais, certain. Hein? Là, à un moment donné, nous autres, là, dans les séries, habituellement, on est appelé à aller à travailler avec les joueurs de remplacement, comme on dit, là. Fait que on fait des pratiques, etc. Fait que est-ce qu'on aurait été là tout le long, je ne sais pas. Mais écoute, cette année, c'était ça situation, puis l'important, c'est qu'on ait trouvé le moyen de gagner la Coupe Stanley, là. Oui, effectivement. Ça part d'une bonne organisation, hein. Lightning Tampa Bay, c'est vraiment c'est le réseau des filiales. Je pense que c'est même obligé quasiment de faire un séjour à Syracuse pour montrer le système. Hein. C'est là qu'on voit que c'est une bonne organisation. T'sais, Yannick Gourde, Brandon Point, ça n'a pas été nécessairement des choix de première ronde. C'était des joueurs qui ont vraiment travaillé fort, là, puis qui sont rendus pillés. Pas même Victor Eggman. Il y en a plusieurs qui ont passé par Syracuse. Puis, écoute, c'est un processus normal. C'est certain qu'il y en a qui vont dire qu'à la Ligue nationale, sauf que c'est une école de vie. Puis ces jeunes-là, quand ils arrivent dans la ligne américaine, ben ils apprennent à se comporter comme des pros. Fait que puis nous autres, ben comme entraîneur, ben c'est de les aider. Il faut vraiment qu'ils sentent notre appui, puis les aider dans le cheminement, puis faire en sorte qu'ils vont graduer le plus rapidement possible dans la ligne nationale. Fait que mais c'est ça, c'est intéressant de voir le développement de chaque joueur là, là-dedans. OK. Si on parlait maintenant, Gilles, de toi, là, parce que le COVID, ça a fini au mois de mars, donc la saison, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Moi, je suis redescendu au Lac-Saint-Jean, à Trois-Rivières, le 18 mars. Ouais. OK. Puis, je suis revenu à fin d'août à Syracuse. Fait que. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas à Trois-Rivières avec la famille et tout ça. Fait que maintenant, on est revenu ici parce que on veut quand même préparer la prochaine saison. Il est au début décembre, la nouvelle, hein, la Ligue américaine, c'est ça? Ouais, ben il parle de début décembre, mais c'est pas certain non plus. Ça se peut que ça aille en janvier. C'est plein d'interrogations. C'est plein d'interrogations. Et on est plus au jour le jour, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis on verra ce qui va arriver, mais là, présentement, nous autres, on est ici entraîneurs, là. On travaille surtout là, le plus le matin, je te dirais, là, puis on essaie de... Mais sans savoir ce qui va arriver, comment on se planifie, c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Moi, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être le plus up-to-date possible comme entraîneur, OK? Que ce soit dans chacune des phases de jeu. Présentement, tu sais, en temps normal, dans la ligne américaine, quand on est, tu sais, la Ligue nationale commence les séries avant nous autres. Mm. Fait que souvent, on est en même temps qu'eux autres en série. Mais là, on a eu le plus de temps de pouvoir regarder toutes les équipes, de regarder la vidéo, de décortiquer les aspects de chaque équipe, de regarder un peu le comportement des joueurs, des défenseurs de, je te dirais, de 8 équipes là, qu'on a mis de l'emphase. Fait qu'on, personnellement, ça nous a permis de s'améliorer là-dedans, de voir un peu comment se comportent les équipes, les systèmes de jeu. Puis en même temps, ben moi, présentement, je connais plus les joueurs de la Ligue nationale, puis les tendances des défenseurs. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là là, qu'on a avancé puis pour préparer pour une saison, là. La forme physique des joueurs, parce que ça c'est extrêmement important. Est-ce que vous êtes en contact direct avec les joueurs pour savoir un peu comment ça va dans leur forme physique, avoir un contrôle là-dessus? Ben, moi, je suis pas en contact avec eux autres, là. C'est plus Benoît Groulx qui, pendant OK. la COVID, là, je pense que je te dirais qu'il parlait peut-être à 3 joueurs toutes les semaines. Fait qu'il faisait un suivi avec eux autres comme ça. Fait que c'est un peu la façon que ça s'est passé, là, versus là, le contact avec les joueurs, là. Ok. Gilles, un gros merci. C'est pas mal le fun de savoir comment que ça s'est fait avec le Lightning de Tampa Bay, l'organisation. Je pense que tu mérites, je pense, une bague, la Coupe Stanley, comme j'imagine que tu vas l'avoir aussi, toi, là. Non, Ah, si tu compares avec Charles, ça s'est fait, là. Donc, je te dis pas de l'attendre, mais je te dirais que si on se compare un peu à NBA, t'as le même rôle que Charles un peu, puis il l'a eu. Fait que peut-être que tu vas l'avoir, qui ouais. sait? On verra, mais le plus important, c'est que ils ont trouvé moyen de gagner, ils ont Hey. trouvé la bonne route, fait que puis d'en rebondir comme ça après avoir été éliminé à 4 l'an passé, fait que Hey Gilles, je pense que c'est encore plus. dernière question que je tu fais encore des activités de la JMQ, c'est une belle vitrine pour eux autres, hein? Tout seul maintenant pendant 2 mois, même s'il n'y aura pas personne, même s'il n'y aura pas personne au match, juste le fait d'être dans les médias, j'imagine qu'ils vont avoir une meilleure exposure. C'est sûr que c'est pas facile, parce que là, il y a quand même ils vont perdre beaucoup d'argent, mais c'est quand même pas si pire côté marketing. Ou il y a au moins ça. Ouais, c'est pas la meilleure Non. situation, c'est certain. Sauf que, tu sais, ils vont avoir une aide gouvernementale, c'est certain. Moi, je suis pas au courant de rien, là, Ouais. des montants puis tout ça. Mais écoute, au moins, présentement, la saison va débuter, en espérant que ça va se poursuivre comme ça. Puis écoute, au moins, les joueurs de la Ligue de hockey junior du Québec, ils ont la chance de pouvoir jouer. Puis quand tu joues, ben ça te permet de t'améliorer. Les entraîneurs sont là pour s'occuper d'eux. Fait qu'au moins, là, dans le processus de développement, c'est ça qui est positif pour eux autres, là. Effectivement. Gros merci, on se reparle bientôt. OK, merci beaucoup. Notre Bye. ami Gilles Bouchard, qui est le Normandin, qui est instructeur adjoint chez le Crown du Syracuse, filiale du Lightning.